On va parler du dossier du Centre Georges Vézina qui commence à prendre l'allure d'un roman savon. On va en parler avec Simon Tremblay de Radio X Saguenay, que vous pouvez écouter à l'émission Midi Pile dès 11h30 tous les jours au 95.7. Salut Simon. Simon, ça commence. Tu sais quoi, moi, ça commence à prendre l'ampleur d'un roman savon? Ah, c'est quasiment pire que ça, là. Celle-là, honnêtement, je l'avais pas vu venir. On vient d'apprendre hier que le Centre Georges Vézina est encore bon pour des décennies. Bon, des décennies, dans ma tête, c'est pas juste 10 ans. On parle de 20, 30 ans, sinon plus, avec les travaux de cette édification qu'ils ont fait. Mais malgré tout, on demande une étude pour faire un nouvel aréna sur la zone ferroviaire qui est enclavée comme ça se peut pas. Il n'y a pas de stationnement. Ce qu'on comprend, c'est que c'est pour rentrer dans un programme gouvernemental provincial pour financer un nouveau stationnement. Fait qu'on n'a pas vraiment besoin d'un nouvel aréna, mais vu que ça va nous permettre de financer le stationnement, on va le faire pareil. Mais je reviens sur la fermeture temporaire du Centre Georges Vézina il y a 3 semaines. Qui croit maintenant? Est-ce qu'on croit l'étude de 2013 ou l'étude de cette semaine? C'est quoi, là? Ben, ça, c'est une bonne question. Mais ce que je comprends, par contre... Parce que ça a eu des frais, puis il y a eu beaucoup de frais là-dessus, là, puis il y a eu aussi beaucoup, ouais. beaucoup de tracas, non? Mais d'un autre côté, ce que je comprends, c'est que les travaux de solidification qu'on a fait là, c'est ce qui permet de prolonger la durée de vie du Centre Georges Vézina, puis ils vont en faire d'autres cet été pour être sûr de leur shot. Pas sûr que ça aurait été le même constat si on n'avait pas fait les travaux des dernières semaines. Oui, effectivement. Mais là, j'en viens sur le dossier du Centre Georges Vézina, des nouvelles amphithéâtres. C'est-tu pour revitaliser le centre-ville de Chicoutimi qu'on fait ça? Clairement. Ouais. Comme je te dis, ils veulent faire rentrer ça dans un programme pour refaire le stationnement étage du centre-ville de Chicoutimi qui est fini raide. Et ce serait peut-être juste le stationnement pour la ville, un montant de 20 à 30 millions de dollars à mettre seulement de la ville de Saguenay, parce qu'il n'y a pas de programme au gouvernement provincial qui existe pour être en mesure de financer ce stationnement-là. Fait qu'on a décidé d'inclure le stationnement dans la construction du nouvel aréna. Question de le faire financer par le provincial, par le fédéral. Au total tout, ça va coûter peut-être quoi? 70 millions, mais... On est au Québec. Tu peux mettre quasiment fois 30% de plus. On est au Québec, là. Ah oh ouais, mais c'est ça. Là, je te parle avec le montant de base. Puis si on tente de faire l'étude, justement, savoir si le stationnement, la nature du sol, tout ça, si ça se fait à un coût qui est raisonnable. Mais tu disais dynamiser, c'est sûr que c'est pour dynamiser le secteur. C'est un bon stationnement, un endroit stratégique. Il n'y a jamais rien eu comme développement commercial à cet endroit-là. Fait que c'est sûr que c'est la façon qu'on a trouvé. Puis d'ailleurs, ça, je sais pas si tu es au courant, mais il y a plusieurs années, quand il y a eu le débat de la salle de spectacle, ici, c'était soit la rénovation de l'Auditorium du Four ou la construction d'une nouvelle salle. Et José Néron, qui était même pas en politique dans le temps, était du camp de construire une nouvelle salle de spectacle. Et c'était l'endroit qui était visé, justement, pour dynamiser le centre-ville de Chicoutimi. OK. Les 5 000 dans tout ça, d'après toi, est-ce qu'ils poussent par en arrière? Ben, c'est sûr. Ouais. Ils l'ont même pas caché. Ouais. En point de presse, José Néron a dit que, entre autres, les Saguenayens avaient fait leur représentation. Puis, tu sais, je penserais pas qu'on construise un nouvel aréna dans ce secteur-là pour faire des grands spectacles. Tu sais, les spectacles d'envergure, c'est à Montréal. Les spectacles de toute petite envergure, c'est à Québec. Puis encore là, avec les difficultés qu'on voit, ce qu'on ramasse ici, c'est pas ce que nécessairement meilleur, puis ça remplit même pas. De toute façon, les bons spectacles, il y a eu Styx, il y a plusieurs années, Bryan Adams, ça remplissait même pas. Donc, pourquoi dans un aréna de 5 à 6 000 places, on remplirait comme par magie? Je pense vraiment que c'est pour le hockey des Saguenayens. Ben, effectivement. T'as parlé hier, c'est toi qui as parlé ou c'est Dicky à ton émission? Je pense que c'est toi qui as dit Philippe Couillard, je suis certain qu'il pousse par l'arrière parce qu'il pleut de l'argent, là. Parce qu'à Québec, on annonce un tramway aujourd'hui de 3 milliards. C'est un projet sur les 10 millions. Donc, toi, tu penses que Philippe Couillard est en arrière de tout ça aussi, là? Ben, définitif. Ouais. Parce que, aussitôt que José Néron avait décidé il y a quelques semaines de fermer le Centre Georges Vézina d'urgence là pour faire les travaux, ça n'a pas pris 10 minutes que Philippe Couillard avait déjà parlé avec José Néron, puis tweetait qu'il voulait bien l'entendre, qu'il était prêt à doter Saguenay-Lac-Saint-Jean d'un aréna régional neuf des années 2000. Fait que déjà, c'était sa volonté. OK. Du côté maintenant, mais là, c'était le 31 mars, ça, la date limite. Là, ça tient plus, là, hein? On a parlé quand même de se décider puis de se fixer printemps, début d'été, gros maximum. Ouais. Tu sais, oui, tu parles du 31 mars. Est-ce que c'est possible de présenter une ébauche de projet ou encore de réserver un montant dans les budgets du 31 mars sans avoir déposé le projet complet? Ça, regarde, je ne sais pas rendu là. Est-ce qu'il y a des programmes spéciaux qui vont qui vont naître après le 31 mars, et Philippe Couillard est déjà au courant, je ne sais pas non plus, peut-être bien que ça a été dans les négociations. Est-ce qu'il y a un budget discrétionnaire, entre guillemets, vu qu'il est ministre régional? Je ne sais pas. Tu sais, on l'a vu dans le cas du Zoo de Saint-Félicien, que ça ne fitait pas dans des programmes, mais Philippe Couillard, c'est sûr qu'il y a plus de latitude comme ouais. responsable d'une région que d'autres députés. Là. Ouais. Hey, Simon, tantôt, j'étais à la radio des Cataractes de Shawinigan, puis je parlais du dossier, puis l'animateur Claude Boucher me demandait, dans la population, ça dit quoi? Moi, je vais te dire en affaire, ce que j'ai vu sur les médias sociaux, tu vas me corriger si je me trompe, si on aurait dit le Centre Georges Vézina, c'est terminé, sa durée de vie est finie, probablement que les gens auraient dit, oui, ça prend un amphithéâtre neuf, pourquoi faire du neuf avec du vieux? Mais là, si on annonce qu'il ferait pendant plusieurs dizaines d'années encore, ben, dans la population, il me semble que ça passe moins, est-ce que je me trompe? Dans la population, en général, j'ai tendance à être d'accord avec toi. Les gens qui sont proches du milieu du hockey, par contre, sont très, très contents d'avoir un nouveau amphithéâtre. Ouais. Puis ils parlent peut-être plus fort que la population en général, les payeurs de taxes de Saguenay. Puis c'est pour ça qu'on les entend plus médiatiquement. Mais l'endroit qui est choisi, la zone ferroviaire, à part les commerçants du centre-ville, je trouve pas grand monde qui dit que c'est une bonne idée de le mettre à cet endroit-là, un endroit qui a pas beaucoup de stationnement. Même si on refait l'autogare, je veux dire, il y a encore des activités qui vont se faire, puis des gens qui vont travailler dans ce secteur-là qui ont à se stationner. Il y a des gens de Jonquière, des gens du Lac-Saint-Jean, des gens de la baie qui vont voir les Saguenayens. C'est un secteur qui comme je te disais, enclavé. C'est excuse-moi un entonnoir dans ce secteur-là. Quand les gens de Jonquière, du Lac vont partir, ça va être des bouchons de circulation incroyables. Là. Ouais, ouais. Je comprends mal pourquoi faire ça à cet endroit-là. Ça sent le projet de Chicoutimi pour Chicoutimi. OK. Parce que le nouvel amphithéâtre, évidemment, c'est un dossier régional. C'est pas juste un dossier de Chicoutimi, là. Hey, en terminant, 50% du gouvernement qui est provincial va payer le nouvel amphithéâtre de Chicoutimi. Est-ce que le fédéral est interpellé? Je sais qu'on va être en campagne électorale prochainement. Je sais pas quand est-ce que Justin Trudeau va déclencher tout ça. S'il se trouve un candidat, c'est important. Est-ce que tu penses que le fédéral va être interpellé? Ah, ce sera l'occasion. C'est sûr qu'avec l'élection partielle qui va arriver, ils vont demander une part du fédéral là-dedans. Comment ils vont réussir à rentrer dans le programme, c'est à voir. Mais il y a d'autres arénaux au Québec qui ont reçu des parts d'aide fédérale. Il y a certains programmes qui existent, puis c'est sûr qu'ils vont le demander. OK. Simon, on t'écoute à 11h30. J'ai l'impression qu'on va en parler encore une fois. Yes, salut. Salut, Simon Tremblay de Radio X.